L'intégration de l'astralité par l'homme. Tout homme qui vit sur la Terre doit un jour intégrer son astralité, c'est-à-dire que tous les courants de l'âme qui viennent à lui doivent être reconnus, perçus et sus. En autant que l'homme puisse identifier clairement ce qu'il vit, il n'y a pas de problème ou de déphasage, car la manipulation qui doit le manipuler n'a pas lieu. Mais cette manipulation est très difficilement perceptible parce que les forces de vie ont caché à l'homme ses lois. Et plus l'homme avance dans ses lois, il n'y a pas nécessairement une meilleure compréhension avec le temps de ce qu'il vit en tant que personne individualisée, car c'est souvent l'expérience qui l'amène à décortiquer d'une manière claire et nette ses lois et de pouvoir les appliquer ensuite pour que toute manipulation contre sa conscience cesse. L'astralité d'une conscience fait partie de la fusion que l'homme doit amener à sa conscience pour que s'arrête un jour la réflexion dans l'ego. Toute réflexion dans l'ego est une manipulation qui mène directement l'homme à ne plus penser que la vie qu'il mène fait totalement partie de l'intégration des plans de la lumière sur sa conscience, car eux savent très bien que ce qu'ils amènent à l'homme pour s'intégrer sera toujours une certaine manipulation, parce qu'il doit en découvrir le jeu totalement un jour, en étant seul dans sa conscience et sans support de la lumière. Cette réalité est perçue par la lumière et est souhaitée afin que l'homme développe dans son ego une identité prépersonnelle pouvant lui permettre d'habiter autant la planète Terre que d'habiter les plans parallèles, en sachant que la lumière ne donnera pas à l'homme les lois de la vie. Il doit arracher lui-même ce qu'il doit pour parfaire son évolution, afin que lui-même sache qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que les plans de la noirceur, qu'est-ce que les plans de la lumière, et tout ce qui s'attache à la diffusion intégrale d'une conscience cosmique qui s'incarne sur la Terre pour finalement tasser sur celle-ci la manipulation des plans de la mort, des plans luciférien et aussi des plans qui ne sont pas encore révélés à l'homme, mais qui gouvernent d'une façon systémique toute sa programmation astrale en lien avec l'expérience lunaire de l'homme sur la Terre. Il est très difficile pour un ego d'acquérir de l'identité quand il ne sait pas avec quoi il traite. Pour traiter sa vie d'une façon totalement neutre, il est impératif que l'homme apprenne à descendre dans lui, au plus profond de lui-même, pour y découvrir le diamant qu'il habite en tant qu'ego céleste et non pas un ego qui est apte à se réfléchir pour se donner de l'identité. Toute réflexion dans l'ego mène toujours à une surimpression des lois de l'astral sur une conscience. Et c'est pour cela que l'homme ne sera jamais libre dans ce rayonnement, puisqu'il y a dans ce rayonnement une fusion parfaite des forces involutives de l'ego qui, jointes à l'âme, permettent aux forces de la noirceur de donner une autorité aux éthers de l'astral sur la Terre. Qu'est-ce que l'astral? L'astral est toute la dimension occulte d'une vie qui n'a pas été encore dévoilée par l'homme pour que celle-ci devienne totalement intelligente. Il n'y a pas sur la Terre que des forces de vie évolutives. Il y a aussi des forces de vie involutives qui se permettent par extension une autorité de conquête sur la vie de l'homme par ses pensées et qui le manipulent dans sa tête. Pour ne pas être manipulé, l'homme ne doit pas penser que la manipulation cessera parce qu'il la voit, mais il doit comprendre que la manipulation est nécessaire en lien avec la conquête de sa liberté qui lui permettra un jour de simplement amender l'influence de la manipulation en sachant que celle-ci sera toujours sur la Terre tant que celle-ci ne sera pas totalement dépolluée des forces de vie animiques qui sont associées à l'âme pour la faire évoluer. un ego conscient ou un ego qui devient un diamant pur dans une conscience matérielle est capable de se distancer de la manipulation et de tout simplement l'amender en lui en sachant que vibratoirement, il peut avoir accès télépathiquement et intuitivement avec les lois de la vie sur le tas. De cette manière, il ne se laisse pas prendre par la surimpression de croire qu'une pensée peut le manipuler parce qu'il sait déjà que celle-ci ne vient pas de lui et que toute pensée doit être scrutée à la loupe par son ego séant. Donc, l'homme ainsi s'amène toujours à avoir les grandes boxes devant la vie parce qu'il apprend à savoir que toute manipulation sert le développement de l'ego à des fins d'un diamant pur qui lui permettra à cet ego même de rivaliser avec la vie d'une totale froideur qui un jour lui permettra à cet ego d'accepter que la vie est sous l'emprise des forces de noirceur et que cela aura à être interchangé du moment que les forces de la lumière le décideront avec lui. Il n'est pas réel de penser que l'homme peut changer la constitution génétique de la Terre, car l'atome qui est dans l'homme est beaucoup trop bas en vibration présentement pour permettre une telle transmutation des forces astrales du globe. Et c'est pour cela qu'avec le temps, une régence planétaire descendra sur la Terre pour augmenter la capacité lumière de cette Terre et donner à l'homme une plus grande complicité avec la lumière. Parce que pour le moment, l'homme doit encore se battre contre la réalité que les pensées qu'il reçoit dans sa tête ne sont pas nécessairement les siennes. Et tant qu'il n'a pas intégré parfaitement avec froideur toute cette grandeur d'activité en lui, il ne peut pas savoir que la pensée vient d'ailleurs et il osera à un moment donné se réfléchir, de là les impuretés dans son ego, à croire qu'il est réel et alors qu'en fait, il n'est que réflectif des forces lunaires qui agissent en lui pour permettre une programmation d'âme active qui va valoriser certainement son ego dans des formes de vie connues, mais dans l'inconnu de son expérience, l'homme se fera baiser totalement parce qu'il ne verrait pas venir à sa table ce qui vient. Pour saisir parfaitement ce qui vient s'asseoir à sa table, l'homme doit toujours être en observation d'une qualité froide, avec un mental suffisant en énergie et en éther pour investiguer avec force ce qu'il veut vivre et non pas ce qu'il déteste vivre. Parce que ce que l'homme déteste vivre sert de balancier, mais lorsque l'homme sait ce qu'il veut vivre, il est tout simplement créatif dans sa conscience. Et c'est à ce moment qu'il arrête toute forme de pénétration de la noirceur ou de la manipulation, car il sait qu'on ne peut plus le manipuler et l'ébranler dans sa propre conscience. Du moment que l'homme est inébranlable, il est toujours à ce moment dans un socle constructif d'éther, appartenant à des forces de vie qui lui permettent de libéraliser l'énergie de son ego et de lui donner à cet ego une dimension froide qui un jour l'installe au-dessus du podium de la vie astrale de la Terre et c'est ainsi qu'il envoie toutes les couleurs de cette astralité-là. L'astral est puissant et se marie facilement à toute forme de vie qui permette à l'ego de croire qu'il a raison. Un ego qui pense qu'il a raison est déjà dans la merde. Il n'est pas capable de se suffire en intelligence pour établir qu'il y a un dialogue qu'il doit inverser avec la noirceur pour que ce dialogue lui permette, avec le temps, d'arracher toute loi de la vie qui, au moment de sa grande fusion avec la lumière, lui permet d'établir que tout ce qui ne vient pas de l'homme est un mensonge. Est-ce que l'homme peut devenir un socle ou un diamant pur dans une conscience intégrale et solaire sur la Terre? Certainement, du moment qu'il est capable d'appréhender que l'astral voudra venir le chercher lorsqu'il s'y attend le moins, il est déjà dans sa tête et sa conscience, investi du droit et d'une autorité inébranlable lui permettant de contredire et contrecarrer toute force de vie qui voudra le manipuler. Pourquoi? Parce qu'il est, à ce moment, la seule expertise vibratoire pouvant changer son propre taux vibratoire. Ainsi, il n'y a plus rien qui peut l'affecter ou l'ébranler, car il est son propre taux vibratoire en lien avec tout ce qui vient de l'astral, le met automatiquement dans une fusion céleste avec sa conscience de liberté qui ne l'appointe jamais à donner du crédit à la planète Terre, mais à savoir que cette planète-là aura à être élevée en vibration pour un jour pouvoir partager avec lui de grandes richesses. Les richesses de la Terre sont celles-ci, c'est que la Terre n'est pas un habitacle de noirceur normal, mais elle est un habitacle de noirceur parce qu'elle est dans une dimension involutive qui permet à des entrées de puissantes vibrations de la noirceur de lui donner une identité. Et cette identité-là est naturellement la possession, le pouvoir et toute forme d'énergie qui permettent à un ego de se réfléchir. Et cela était voulu par la lumière, car en sachant que les forces de la noirceur allaient investiguer et travailler énormément sur la conscience mentale de l'homme et de l'âme pour le manipuler, les forces de la lumière savaient très bien que dans cet ego, il devait se construire une identité propre, prépersonnelle, lui permettant un jour d'inverser ses propres énergies. La lumière n'a jamais pu pouvoir faire ce travail pour l'homme, bien qu'elle a à chaque homme, à chaque individu et à chaque âme, assigner un double cosmique pour lui permettre de s'éclairer. Mais le double cosmique éclaire l'homme en autant que l'homme puisse savoir que celui-ci l'habite déjà sur les plans supérieurs et qu'il doit, d'une façon ou d'une autre, non pas quémander sa lumière, mais lui arracher dans un verbe total d'autorité son identité, et que lorsque l'identité du double se révèle à l'homme, l'homme comprend très bien que la lumière ne cherche pas à le manipuler, mais qu'elle veut très bien, par le fait même, à travers l'identité du double cosmique, jouer avec lui pour savoir de quoi il est fait. Et lorsque l'homme comprend que ce double est fait pour jouer avec l'homme, il cesse de se faire jouer par ce double parce qu'il prend mise sur l'autorité qu'il doit avoir sur ce double pour lui dire « Je sais qui tu es et je sais que ton travail se termine à l'instant parce que le jour que je parle à la lumière, je ne veux plus non plus être manipulé par ta conscience anémique qui se nourrit autant des forces de l'âme que des forces de lumière pour créer dans l'ego de l'ambivalence. » L'ambivalence provient certainement du fait que l'homme n'est pas capable de traverser son propre double cosmique et s'adresser aux forces de lumière pour qu'il s'investisse de lui-même d'une autorité absolue en lien avec le droit de parole de déterminer sa courbe évolutive selon la réalité qu'il n'est plus manipulable. La manipulation est au centre de la décortication de la conscience de l'homme parce que c'est elle qui amène dans l'homme la conscience des aspérités de l'ego poreux qu'il y a en lui qui permettent à l'astral ou aux forces de la noirceur de le manipuler pour qu'il engendre dans sa conscience ou qu'il se dessine dans sa conscience des destinées de vie involutives permettant aux forces cosmiques de la lumière de créer en lui de l'atome. L'atome que l'homme se révèle n'est pas celui ou le produit des impuretés de la noirceur, mais la force de vibration que l'homme arrache en étant conscient que les forces de la lumière vont utiliser d'une certaine manière l'autonomie de la noirceur pour créer chez l'homme de l'ambivalence et que cette ambivalence serve par la suite à le mettre en tabarnak pour créer dans sa tête une totale expansion de lumière lui permettant d'abattre une à une les craintes de son ego qui sont nourries nécessairement par le jeu de l'astral et des forces involutives de la Terre, car n'oublions pas que la Terre a été créée à partir d'atomes pouvant permettre l'évolution, mais cela n'était pas une garantie, car l'atome lumière doit être élevé à un apex d'énergie si puissant qui lui permet, d'une certaine manière, d'épuiser tous les corridors astraux de la Terre avant de devenir lui-même le triomphe d'une liberté totale en étant celui-ci, c'est-à-dire un atome totalement fusionné à de la lumière et dans lequel il n'y a plus aucune aspérité négatives lui permettant de se réfléchir. Donc, il y a un éblouissement total de l'ego sur les forces de la noirceur et sur les formes de vie, et alors que pour la lumière, il ne s'agit pas d'un éblouissement, mais il s'agit d'une réverbération d'un taux vibratoire si élevé qui amène la lumière à reconnaître que ce que l'homme est, c'est ce qu'il est. Et ce que l'homme est doit être aussi grand que la lumière. Donc, pour que l'homme soit aussi grand que la lumière, il lui faut nécessairement son propre taux vibratoire et sa propre lumière. Pour bien saisir que l'homme doit être sa propre lumière, il y a ceci à savoir pour l'homme, soit qu'il ne peut plus se déguiser derrière des formes d'astralité en pensant que la lumière ne sait pas ce qu'il le déguise. Il y a des réalités que l'homme doit conquérir et savoir que s'il entre dans une forme, il doit être en totale autorité sur cette forme, car sinon, s'il n'est pas en totale autorité sur cette forme, il y a certainement des enjeux qu'il ne verra pas. Comment peut-on être en totale autorité sur une forme? Voici une réponse très simple. Supposons que vous êtes dans l'étude d'un emploi et que vous avez une difficulté à intégrer votre emploi parce qu'il y a nécessairement dans celui-ci des formes de vie qui ne vous permettront pas d'être libre. C'est alors que vous devez exposer ou comprendre ou saisir que ce que vous vivez en tant qu'âme dans cet emploi doit un jour vous amener à de la liberté. Et s'il y a un patron qui vous engueule inutilement, il y a de la neutralité à conquérir. Et c'est pour cela que nous disons que l'homme ne peut plus se déguiser de valeurs non réelles et croire que ce qu'il vit n'est pas ajusté. La lumière ou les forces de la lumière qui gouvernent la planète savent très bien que l'homme vit exactement ce qu'il doit vivre comme événement et qu'ils en connaissent déjà le résultat. Pourquoi doivent-ils en connaître le résultat? Parce que si l'homme n'était pas un diamant pur et qu'il ne pouvait pas créer sur la Terre de la liberté, c'est-à-dire une liberté dont le taux vibratoire permet à tout homme d'être libre, cela voudrait dire implicitement qu'il est manipulé dans sa conscience. Cela est perceptible parce que la parole de l'homme, tant qu'elle n'est pas ajustée, elle ne crée pas ces éthers de liberté-là. Donc, il est impératif que quand l'homme se met à parler, il puisse projeter son mental sur les plans de la lumière, aussi sur les plans de la Terre, pour créer dans cet espace-temps un médium d'énergie si grand qu'on ne peut plus l'attaquer au nom de la noirceur et que la lumière est en autorité dans cette parole parce qu'il épuise tous les corridors astraux qui sont venus à lui pour chercher dans sa lumière un apex de confiance ou d'ébranlement qui permettrait à l'ego tout simplement de se réfléchir. Quand l'ego ne peut plus se réfléchir, la parole est intacte et qu'elle vise directement la libération d'une conscience cosmique permettant à l'atome de l'ego d'être au-dessus de la dimension de la Terre en n'étant plus manipulé par les forces de l'âme qui ont gouverné pendant si longtemps les forces et les plans de la mort, parce que ces plans de la mort-là devaient tout simplement permettre à l'âme de créer sur la Terre une dimension cosmique à venir. Quand l'homme sait ce qu'il sait, il n'a pas à se réfléchir, mais du moment qu'il ne sait pas, il se réfléchit. Et pour ne plus se réfléchir, il est bien évident que l'ego doit arriver à un apex, à une force d'énergie si centrique que cela lui permet d'investiguer sur le tas, dans une conscience absolue qui est inébranlable au niveau de toutes les études qu'il doit faire, que la crainte qu'il peut y avoir dans son mental est absolument une réflexion qu'il y a dans son ego. La lumière a toujours perçu que l'homme aurait de la crainte dans son mental tant qu'il ne se libérerait pas lui-même des forces de vie qui l'ont amené à se réfléchir. Qu'est-ce qui a amené un ego à se réfléchir? C'est la réalité qu'il a été séparé de sa lumière et qu'il n'est pas capable de supporter l'éblouissement ou tout simplement la profondeur de ce rayon cosmique sur sa conscience en tout temps. C'est pour ça que l'homme n'accepte pas des fois les événements et qu'il n'accepte pas non plus que le résultat de l'événement qu'il va vivre est déjà connu et su par la lumière. Ce qui change avec le temps, c'est que la conscience de l'homme dans l'événement est différente, mais le résultat reste le même, mais que le prochain événement qui s'ensuit est déjà changé parce que la force atomique de l'ego dans l'événement passé a engendré chez les forces de la lumière une nouvelle orientation pour permettre à l'ego de pulvériser lui-même les forces cosmiques de la crainte qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un événement qui a toujours causé chez lui une certaine division parce qu'il n'était pas capable de saisir que la crainte qu'il a eue dans la descente de l'âme, de la vie, de la matière et la création d'un ego cosmique provient essentiellement de son lien avec le monde de la mort. La mort est le centre de la crainte parce qu'elle est jumelée à des forces de vie involutive qu'on appelle luciférienne ou satanique pour créer chez l'homme de l'orgueil. En créant chez l'homme de l'orgueil, l'ego se réfléchit et c'est cela qui investit l'ego d'une certaine prétention, à savoir que les forces de la lumière ne sont pas capables de lui donner son autorité parce qu'elles ne peuvent pas lui permettre un jour d'amender complètement seule sa liberté. Et cela n'est faux parce que l'homme doit, dans sa conscience, amender totalement sa liberté avec les forces de vie de la noirceur pour être totalement un être de lumière. Mais le pont est très facile pour les forces de la noirceur de créer chez l'homme l'impression que les forces de la lumière n'ont pas l'autorité de savoir ce qu'il vit. Ils le savent toujours et ils le sauront toujours. Même si l'homme fusionne avec la lumière va savoir que tout ce que l'homme vit est en lien avec une destinée cosmique qui appartient aussi aux éthers de liberté et des consciences de nouveaux espaces-temps pouvant permettre la libéralisation de cet homme, de cet ego, de sa parole dans d'autres espaces-temps pour éduquer d'autres civilisations éloignées. Il n'y aura jamais d'arrêt à la conscience de l'homme, celui qui sait ne peut pas arrêter de savoir. Les forces de lumière sont de grandes forces de vie qui ont engendré dans la conscience d'un ego la puissance vibratoire de pouvoir permettre à cet ego de se libérer lui-même et seul de ses craintes. C'est un grand événement pour l'homme. Parce que le jour que l'homme se libère lui-même de ses craintes, il est universel en conscience, pouvant lui permettre à lui de dicter un jour l'autorité de sa parole sur la terre et sur la conscience des cellules de l'homme fragile qui ne peut pas adhérer à une force lumière très grande, mais qui, par éducation et par information interposée à l'intérieur de conférences, de livres ou tout simplement de vibrations qui sera amenée sur la Terre pourront lui permettre de tasser plus facilement l'astralité qu'il y a en lui. L'homme n'a jamais travaillé nécessairement pour la lumière, il travaille toujours pour l'homme parce que son amour qu'il va amener dans la matière pour libérer l'homme de ses propres craintes fait partie d'une éducation qu'il doit mener lui-même aux portes de l'enfer. C'est-à-dire que l'enfer, il doit le connaître, il doit le percer, il doit savoir que ce sont simplement des forces involutives qui l'empêchent de créer dans sa propre conscience un éther de vie si grand que ses plaisirs de vie ne sont jamais interchangeable par des plaisirs factices qui pourraient lui faire croire que finalement il n'est pas ce qu'il est. Lorsque l'homme sait ce qu'il est, ses plaisirs de vie sont tellement grands qu'il sait déjà la femme qu'il doit rencontrer, même s'il ne l'a pas rencontrée encore, il sait qu'elle est là et qu'elle sera là. Et pour l'homme et pour la femme, il s'agit d'un même univers cosmique, soit qu'il y a toujours une énergie prépersonnelle qui doit un jour élever la conscience d'une personne pour l'égayer dans la matière à des beautés de vie qui appartiennent à l'homme et non à la lumière. Et lorsque l'identité de l'homme cosmique en lien avec sa parole, soit que ce soit la femme qui parle, que ce soit l'homme qui parle, et qu'ils sont capables, ces êtres, de dire que nous sommes de grands investigateurs au niveau de la manipulation et que nous la détectons là où elle est et qu'elle n'est plus dans notre conscience un enjeu qui nous sépare de ce que nous voulons être, mais qui nous témoigne tout simplement que toute manipulation qui se joue est un petit rapport de force que nous avons déjà avec la terre pour lui dire à cette terre que ce que vous nous présentez n'est pas une réalité universelle, mais tout simplement une manipulation pour faire croire que l'homme n'est pas ce qu'il est. Et lorsque l'homme sait ce qu'il est, il se passe ceci instantanément, sa parole explose et il sait tout simplement que la manipulation qu'on lui présente, c'est un petit jeu pour tester ses craintes. Et quand l'homme sait qu'il n'a plus de crainte, commence le sait-il. Il le sait quand il ne vibre plus à rien, soit que son ego ne vibre plus à la réflexion, son ego ne vibre plus non plus à l'incapacité de savoir que les forces de la lumière ont toujours su ce que l'homme serait. Ce qu'il va devenir, ils le savent déjà. Mais ce qu'il doit être lui-même en conscience et en liberté de parole, cela, ils vont le découvrir parce qu'ils savent très bien que cet homme ne peut pas nécessairement les instruire, mais peut étudier avec elle ce que doit être une conscience atomique sur un plan matériel. Il n'y a pas que la lumière qui sait ce que la terre deviendra. L'homme le sait aussi du moment qu'il est dans son rayonnement cosmique, un être investi d'une évolution si grande qu'il n'y a plus dans sa conscience toute possibilité de réflexion. Et qu'il n'y a plus dans une conscience la possibilité pour l'homme ou l'ego de se réfléchir, cela veut nécessairement dire qu'il est libre de tout parce qu'il sait que la terre ne pourra jamais être à elle seule un habitacle de lumière s'il y a dans celle-ci de l'astralité qui empêche les hommes de découvrir par eux-mêmes que tout ce qu'ils vivent à l'intérieur d'une conscience de vie qui se développe, c'est impératif que l'homme sache que la lumière n'est pas une réflexion, mais qu'elle est une vibration. Et quand cette vibration-là descend dans les corps de l'homme, il se change intérieurement lui-même parce qu'il est lui-même d'une plus grande psychologie pour attaquer de front tout ce qu'il a divisé dans le passé. Est-ce que l'homme peut vivre une réalité cosmique sur la Terre en lien avec un partenaire de vie qui est de son sexe opposé principalement? L'homme et la femme ont été faits de deux éthers très distinctifs qui doivent un jour leur permettre d'élever d'une fusion totale la vibration de chacun dans sa lumière, ce qu'ils sont. Mais pour que chacun sache ce qu'il est, il y a nécessairement des êtres qui vont grandir en conscience pour élever dans un apex de vibratoire les plus grandes conquêtes de l'homme en lien avec son astralité. Et ces plus grandes conquêtes de l'homme en lien avec son astralité sont celles-ci. 1. Il ne pense plus jamais que c'est lui qui pense. 2. Il sait toujours que les forces de la lumière ne peuvent pas abandonner la terre, mais que ces forces de la lumière doivent laisser la manipulation qui est véhiculée sur la terre pour que se forge dans l'homme une identité cosmique qu'ils sauront reconnaître du premier instant que l'homme leur dira qui il est. Et troisièmement, dans l'intégration de ces deux premiers principes, il y a fusion complète de l'homme avec sa lumière. Et c'est pour cela que la réflexion cesse dans toute forme de vie que l'homme peut toucher. Et parce qu'il y a dans ce qu'il touche la vision claire que tout ce qu'il voit n'est pas nécessairement ce qu'il voit, mais par vibration, il sait ce qu'il voit. Lorsque l'homme ne se fait plus tromper par une forme, c'est-à-dire que la forme peut être très belle, la jolie femme qui passe devant vous peut être très belle, mais si elle n'a pas les éthers qu'il se doit pour créer chez vous la liberté, vous ne verrez pas chez cette femme de beauté, mais vous verrez très bien chez elle de la manipulation. Et est-ce que la femme et l'homme vont se reconnaître à travers le principe égalitaire de la liberté? Certainement, parce que tout amour vécu dans la conscience de l'homme ou dans la conscience de la femme, en lien avec la liberté de laisser l'autre être ce qu'il est, va devenir un principe cosmique puissant, pouvant permettre un jour à un atome de se reprogrammer universellement pour symboliser sur la Terre et que la beauté se crée à partir d'une fusion parfaite d'éléments qui sont libres, qui sont grands et qui permettent aussi de donner à l'homme et à la femme le respect qu'il se doit, que tout ce qu'il y a dans la matière qui a été créé pour de l'imperfection est une liste ou une porte à découvrir. Cela, il doit, l'homme ou l'ego dans la femme doit découvrir que ce qu'on lui cache ou ce qu'on leur cache fait partie du principe involutif de la noirceur, à ne pas créer chez l'homme de lumière. Et cela, c'est naturel parce que la lumière ne peut pas elle-même créer de lumière si elle ne sait pas que la lumière, c'est un principe vibratoire qui un jour doit émaner de l'homme et non provenir de toute forme de vie réflexive. La lumière a toujours été une vibration et elle ne peut pas créer de nirvana ou encore de création, de sublimation pour faire penser à l'homme qu'il est dans sa lumière. Quand est-ce que l'homme saura quand il est dans sa lumière? Il saura qu'il est dans sa lumière quand il ne se réfléchit plus. Tout ce qui amènera l'homme ou la femme vers l'homme est déjà connu, parce que cela fait partie de l'établissement sur la terre d'une union parfaite pour créer, dans la configuration cosmique de deux atomes, un échange d'énergie si haut qui permettra un respect intégral de la vie de l'un et de l'autre. Pour aimer l'homme ou pour que la femme puisse aimer l'homme et vice-versa, que l'homme aime la femme, il faut cet atome-là afin que ce qu'on l'on sait et ce que l'on voit de chacun ne soit pas une réflexion, mais tout simplement une vibration permettant à chaque individu de dire l'un à l'autre, « Je vois qui tu es, j'aime qui tu es et c'est avec toi que je veux vivre ma vie. » À ce moment, il y a une compréhension parfaite de l'autre au niveau de la liberté d'être singulier et lié dans sa conscience. Et ainsi, les craintes qu'il pouvait y avoir dans l'un ou dans l'autre présentées par l'annihilation de l'astral sont vite évaporées parce que le triangle parfait qui unit la conscience des deux individus est aussi uni à de la lumière. Donc l'homme, la femme et la lumière créent dans une symbiose parfaite, un couple cosmique. La manipulation peut avoir différents visages et elle provient nécessairement de l'imperfection de l'ego à comprendre qu'est-ce que c'est de la noirceur ou encore qu'est-ce que c'est de l'âme. Mais du moment que l'ego s'investit d'une autorité de défendre tout territoire qui lui appartient, mais que ce territoire-là est vraiment une lumière qu'il doit protéger parce que sa sensibilité n'est plus capable de supporter les vicissitudes de l'âme sur lui-même, l'homme apprend à ce moment à se donner une liberté qui n'appartient plus à celle de l'âme, mais bien à la capacité de créer dans un éther de liberté un très grand espace d'harmonie pouvant lui permettre de tout simplement comprendre que tout ce que la Terre doit vivre est déjà connu, est déjà su, mais que lui n'a pas à le vivre et qu'il n'a pas non plus à le subir d'aucune façon. Ainsi, il est compréhensif que l'homme en arrive à pouvoir se libérer de toute forme d'imperfection de l'astral parce qu'il le connaît, il l'investit, il l'intègre et dans son intégration, de cette énergie-là, il va chercher une énergie plus grande que s'il était simplement manipulé, c'est-à-dire qu'il a l'autorité de savoir qu'est-ce que c'est de l'astral dans les plus grands recoins d'une conscience. Lorsqu'on est manipulé, on ne voit pas les énergies qui sont derrière. Mais lorsqu'on n'est pas manipulable, on sait très bien qui sont les énergies derrière et dans cette compréhension-là de la manipulation, on voit très bien qu'il y a une porosité qui permettrait, dans une certaine crainte, à l'ego de se réfléchir à quelque part en soi. Mais lorsque l'homme n'accepte plus de se réfléchir, il commence réellement à déterminer de quelle manière il va éliminer ses craintes. Et comment peut-il éliminer ses craintes? C'est en sachant qu'une à une, elles se présenteront à lui à chaque fois qu'il y aura un jour une possibilité de manipulation pouvant le mener à faire tel choix ou à prendre telle décision dans sa vie. La vie est faite de beauté quand l'homme sait qui il est. Et quand l'homme sait qui il est, il n'y a aucune vibration plus grande ou plus petite que lui. C'est à ce moment-là qu'il est libre et qu'il se donne dans sa propre vie les espaces de temps qui lui permettront de prendre conscience que quand il est bien dans sa peau et qu'on ne le picosse pas trop au niveau de sa conscience, cela voudra dire qu'il est déjà très investi de sa propre lumière qui descend en lui. L'union parfaite de l'homme avec la lumière, c'est la fusion. Cette fusion est souhaitée par la lumière. Elle est souhaitée parce qu'ils ne veulent pas perdre la terre aux forces de la noirceur. Et même si les forces de la lumière savent qu'ils doivent utiliser les forces de la noirceur pour engendrer ou créer chez l'homme de la dysfonction, ce dysfonctionnement-là n'est pas dans un but de créer dans l'homme la fin de sa conscience, mais de le faire exploser à la compréhension parfaite que lorsque l'on a créé, on ne pouvait pas créer un être parfait. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas créer un être parfait? Parce que dans la compréhension de toute nouvelle éther qui doit s'habiter et être elle-même exposée à une plus grande synergie de lumière, il doit y avoir des imperfections. Parce que ce sont ces imperfections-là qui amènent le raffinement et qui amènent la conscience de savoir que si ces imperfections-là ne sont pas réglées, il y aura toujours une capacité de la forme qui a été créée de s'auto-réfléchir. Et une forme ne peut pas s'auto-réfléchir. Une forme doit s'activer dans le mouvement et le sillage de son intelligence pour faire grandir et grandir l'ego qu'il a construit, donc de rendre le diamant pur encore plus élevé en vibration parce qu'il a été éliminé de toutes ses astralités ou de toutes ses porosités qui, de près ou de loin, l'entouraient ou encore le touchaient parce que pénétrable il était cet ego d'une conscience de réflexion. Un atome, ça explose, ça ne se réfléchit pas et c'est cela que l'homme sera. Et pour qu'il soit cela, il faut nécessairement qu'il prenne le temps de regarder dans sa propre conscience comment on l'amène à se réfléchir. Lorsqu'il vit une épreuve difficile, si cette épreuve demeure difficile, c'est parce qu'il ne le comprend pas. Parce que du moment que l'homme comprend un événement, celui-ci n'est plus une épreuve. C'est tout simplement un événement et dans lequel il voit le résultat, parce que le résultat fait partie de l'intégration ou de l'intuition télépathique de ce que la lumière lui communiquera, parce qu'elle est obligée de lui communiquer lorsque l'homme est neutre le résultat, puisqu'il le sait déjà. Donc il n'y a pas de manipulation, et c'est ainsi que l'homme peut vivre sa vie en étant totalement froid des événements et de savoir que toujours lorsqu'il s'orchestre une forme de vie pouvant peut-être le manipuler, il sait que si on veut le manipuler, on veut aussi qu'il se réfléchisse, parce que si on veut qu'il se réfléchisse, on veut aussi que la crainte de sa vie en lien avec ne pas voir que ce qu'il sera demain lui sera cachée. Et c'est pour ça que l'homme, finalement, doit avoir toujours les gants de boxe, parce que lorsqu'il sait qu'il se fait manipuler, il est obligatoirement obligé de frapper dans le mur de sa conscience toutes les éthers de sa conscience égoïque pour les faire éclater et que ce diamant explose d'une force vibratoire si grande qu'on ne lui cache plus et qu'il dise lui-même à lumière « je vois ». Et lorsque la lumière entend cette parole de l'homme, elle dit « Oui, nous savons que vous voyez ».